Yo, tout le monde arrive au mic, c'est motherfucking sticker. C'est votre flow style, contre la scène, tu veux me fuck up? Oublie ça, je pas venu pour visiter ce spot. Où c'est le top que je veux, écoutez ce que j'ai à dire, shut up. C'est un rendez-vous, so rendez-vous. Faut que tu te rends debout, même si tu te demandes la peine, je m'infini ou. So, moi, je m'inquiète, je suis pas pour vous. Je suis toujours sûr qu'un jour, il y aurait quelque chose qui sortirait du coup. J'ai un chemin de fait, je suis même pas rendu à moitié. Mais je peux se décider qu'un prêtre va suicider. Pas qu'elles sont détournées, vraiment dur à suivre, je sais. Disons, je vais faire mourir éliminé que par abandon. J'espère que t'es comme tout rush. Soit que je pète une coche à force d'être entouré de plein de gros poches. Je suis identifié, mais toujours un code fucking succès. T'attendais pas à ce que je sois vrai. Ok, ok, comme vous voyez là, je suis pas en train de niaiser. Ok, personne, hey, bouge pas, tabarnak, je niaise même plus. Là, c'est pour vrai, je m'en viens, ma gang d'enfants. Ok, là j'ai plein le cul, je commence à venir menaçant. J'ai fait de moins pauvre, j'ai fait des plus grands. J'suis chiant, fréquent, insignifiant, dérespectant. Pratiquement seul en thérapie d'angoissement. You le fucking ascenseur que j'm'en détache. J'sais pas ce qui cake, j'suis script, mais moi j'change de patte. Jamais joue une carte ceinture de ma sauce. Puis j'ai commencé, j'cours. Si vous voulez me payer, moi j'me flex avec ma bourse. Faut couder ses tapettes, ça nuit à ta carrière. À la place, t'es très fucking faggot. Mon langage m'attire plein des avantages. Homophobe dans mon âge, tout ça que j'ai rap game en otage. Personne bouge. Personne move avant que je parte. Chasse ce qui se passe avec nos radios underground rap. Ça fuck, pour ma soude comme un tenac grave. Tu m'aimes pas? Laisse mon CD où tu vois le cap. Laisse mon CD où tu vois le cap.